Radio Campus Lille, 20h. J'emmerde la flicaille et tout ce qui s'ensuit. J'emmerde les militaires, la morale et le droit. J'emmerde le rapateur qui écrive nos lois. Société caca, société pipi, société capitonnée capitaliste. Société caca, société pipi, arrête-toi société, j'ai trop envie de pisser. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir aux autres. Vous êtes toujours sur Radio Campus 106.6 FM et c'est maintenant La Voix sans maître, comme tous les vendredis à 20h. Comme toutes les semaines, on va commencer par un petit agenda et puis après on causera de différentes choses. On causera sans doute de Calais pour changer, voilà, revenir un peu sur l'actualité du littoral. Et puis, on écoutera sans doute un petit reportage qui a été fait sur un procès de travailleurs marocains, et un procès qui les oppose à la SNCF. Voilà un peu pour le programme. On rappelle que pendant les pauses musicales, vous pouvez nous appeler au 03 20 91 24 00, 03 20 91 24 00. Et tout de suite, commençons par l'agenda. L'agenda qui commence ce soir avec un concert au Centre Culturel Libertaire, le Centre Culturel Libertaire 4 rue de Colmar à Lille, métro Porte des Postes. Un concert avec 4 groupes, un groupe qui s'appelle Quadrupède, qui est du Matrock qui nous vient du Mans. Un autre groupe qui s'appelle My Disco Jacket, qui est de l'électropop de Lille. Un groupe qui s'appelle Comet Normal, qui est du jazz de Lille. Et un dernier groupe qui s'appelle Tête de Cerf, qui est cette fois du hip-hop de Saint-Étienne. Il paraît que Comet Normal, c'est hyper bien. On dit ça, mais je ne sais pas qui est-ce qui a dit ça. Cet agenda s'enchaîne avec un rencard demain, samedi 25 avril à 11h, avec une manifestation qui partira de la place de la République, une manifestation pour le relogement de familles expulsées du foyer Sainte-Colombe. Du coup, pour revenir sur cette histoire-là, c'est que 9 mères de famille ont été expulsées du foyer Sainte-Colombe qui est situé au 217 rue des Postes à Lille. Parmi ces 9 femmes, 4 sont actuellement enceintes et certaines d'entre elles sont accompagnées de nourrissons qui ont à peine quelques mois. Voilà. Et du coup, pour l'instant, ces familles sont hébergées dans le local du comité des sans-papiers 59, un local associatif, mais qui n'est pas prévu pour faire de l'accueil de personnes. Et du coup, c'est une situation qui est particulièrement, qui forcément doit être temporaire et qui n'était qu'une réponse à une situation d'urgence où des personnes sont retrouvées à la rue. Et du coup, la manifestation de demain, c'est pour demander un relogement pour ces femmes et ces familles expulsées du foyer du 217 rue des Postes. Le rencard, c'est à 11h, place de la République. Ça continue cet agenda avec un rencard toujours demain, et cette fois demain après-midi, à 14h30 au Centre Culturel Libertaire, puisque c'est l'Assemblée Générale du Centre Culturel Libertaire. L'Assemblée Générale, c'est le moment où toutes les décisions qui concernent les activités et leur organisation, le fonctionnement du Centre Culturel Libertaire sont prises. Ces Assemblées Générales sont ouvertes à toutes et tous, et on peut y passer si on a quelque chose à proposer pour faire au Centre Culturel Libertaire, mais on peut aussi y passer pour voir à quoi ça ressemble et pour poser des questions, pour découvrir les gens qui y sont et le fonctionnement du lieu. Et demain après-midi également, mais cette fois-ci à l'Insoumise, à 16h, donc c'est Lutte au Chili, avec projection d'extraits de documentaires sur le mouvement étudiant de 2011. Ça dure 60 minutes et c'est en version originale sous-titrée en français. Et ce sera suivi d'une discussion. Alors, sur quoi, de quoi ça parle? Et en fait, ça parle du fait que la dictature de Pinochet s'est terminée en 90, mais que le modèle économique ultralibéral qui avait été mis en place n'a pas disparu, avec aujourd'hui le Chili qui reste un des pays les plus inégalitaires au monde. Voilà, notamment, ça se traduit par le fait que, pour la plupart, l'accès à l'éducation se traduit par un endettement sur des dizaines d'années pour les étudiants et leurs familles. Et donc, il y a eu un mouvement étudiant en 2011 au Chili qui a été très fort, avec des manifs de 200 000 personnes, avec des affrontements massifs avec la police, des dizaines d'universités et des centaines de lycées occupés des mois entiers, et une grève générale qui a bloqué le pays plusieurs jours et fait ressurgir les techniques militaires de la répression. Et donc, ça continue le pitch de la soirée de l'après-midi de demain à l'Insoumise. C'est derrière le slogan d'une, entre guillemets, éducation gratuite et de qualité, c'est toute une génération qui remet en cause l'héritage de la dictature de Pinochet perpétuée par les mouvements de gauche comme de droite. Aujourd'hui, même si la tension n'est pas aussi forte qu'en 2011, le mouvement se poursuit afin d'atteindre ses revendications initiales pour certains, tandis que pour d'autres, la révolte ne se limite maintenant plus aux seules exigences de l'accès à l'éducation. Voilà, donc c'est demain à l'Insoumise. L'Insoumise, c'est 10 rue d'Arras. Voilà. Et du coup, on continue l'agenda de ce week-end avec un concert pour bien terminer le week-end. Dimanche 26 avril, à partir de 19h30 au Centre culturel Libertaire. Avec cette fois trois groupes, un groupe qui s'appelle Reality Slap, qui est du hardcore du Portugal, un groupe qui s'appelle Confusion, qui est du fast and direct punk hardcore, cette fois de Lille, et enfin un troisième groupe dont on écoutera sans doute quelques morceaux tout à l'heure, qui s'appelle Mental Distress, qui est du fast punk hardcore de Strasbourg. Le tout c'est à prélim, c'est-à-dire que chacun chacune est invité à donner ce qu'il ou elle peut ou il ou elle veut, en fonction de ses envies et de ses moyens. C'est ça. Et le lundi 27 avril 2015, de midi à 14h, il y a la cantine vegan du Centre culturel libertaire, à laquelle vous êtes conviés. On continue ? Oui, comme tous les mercredis à 18h30, mercredi prochain, il y a la manif du comité des sans-papiers 59, manifestation des sans-papiers, sans-papiers en lutte pour obtenir des papiers. Du coup avoir une vie un peu plus un peu moins dure que celle que la vie de sans-papiers en France. Voilà. Le mercredi 29 avril 2015, le même soir, à 19h30, du coup, le collectif Plancton vous invite à une soirée de l'infotour de présentation d'un livre qui s'appelle « Until the Rulers Obey », jusqu'à ce que les gouvernants obéissent, qui présente et rassemble les entretiens recueillis par deux personnes, Clifton Ross et Marcy Rhein, auprès d'acteurs et d'actrices des luttes latino-américaines contre l'impérialisme. Donc ce bouquin rassemble les voix des mouvements sociaux qui ont nourri la vague de changement qui a saisi l'Amérique latine au tournant du XXIe siècle. Ces mouvements ont galvanisé des pans de la société longtemps tenus au silence, peuples indigènes, campesinos, étudiants et étudiantes, communautés LGBT, chômeurs, heureuses, et toutes celles et ceux laissés pour compte par l'utopie promise pour la vendre d'une économie globalisée. Donc... Tous ces groupes-là ont déployé un large panel de stratégies et d'actions, parfois en construisant des écoles et des dispensaires, parfois en occupant des usines ou des champs, parfois en concevant et en administrant des partis politiques pour prendre les rênes de leurs États, et parfois en résistant aux répressions gouvernementales afin de protéger leur voix retrouvée au sein de la communauté. Du coup, ce recueil d'entretiens donne la parole à une soixantaine de leaders et de militants et de militantes d'une quinzaine de pays d'Amérique latine qui présentent leur travail et leur lutte et débattent des questions de pouvoir, de structuration et de relations avec les États. Voilà, et donc c'est un infotour, ce qui signifie que l'un des deux auteurs, Clifton Ross, sera présent pour présenter son bouquin et en discuter, et discuter de pourquoi ce bouquin est arrivé là, etc. Et discuter en quoi ces témoignages et ces analyses peuvent être une source d'inspiration et de réflexion pour toutes les luttes émancipatrices. Donc je rappelle, c'est mercredi 29 avril à 19h30 au Centre culturel Libertaire, 4 rue de Colmar à Lille, métro Porte des Postes. Et comme souvent les soirées plancton, c'est prix libre et auberge coopérative, c'est-à-dire que vous ramenez un plat à partager, mais vous pouvez venir aussi si vous n'avez pas de plat à partager. Alright, on continue cet agenda avec un rancard le jeudi 30, un rancard et même deux rancards pour venir déjeuner tout d'abord le matin entre 7h30 et 9h30 au Centre culturel Libertaire. Et puis, si on a besoin d'un autre repas dans la journée, on peut aussi aller dîner le soir à l'Insoumise à partir de 20h. Il n'y a que l'État qui pense que les migrants et migrantes à Calais peuvent se contenter d'un repas par jour. Voilà. Il n'y a que l'État qui croit ça. Et du coup, cet agenda, il touche à sa fin. Et pour se terminer, des rancards du vendredi 1er mai, parce que du coup, c'est le 1er mai. Et du coup, comme tous les 1er mai, il y a une manif. Du coup, le rancard, c'est à 10h30, rendez-vous Porte des Postes, pour du coup, une manif Le cortège, on pourra retrouver notamment nos camarades de la CNT, sans doute ceux des Flamants Roses. Et voilà, c'est pour rappeler qu'il y a des luttes en cours et que c'est pas que on se laissera pas marcher un peu moins sur la tronche. C'est quoi le mot d'ordre de cette année, du 1er mai. Ouais, je pense que c'est le mot d'ordre, c'est... avouez-vous que vous êtes anarchiste, quoi. Voilà. Donc vous voulez être anarchiste. Comme et comme tous les 1er mai, et peut-être, enfin, comme quelques 1er mai, c'est aussi le moment du salon du livre de critique sociale et d'expression populaire qui se tiendra cette fois à Arras toute la journée et auquel on pourra retrouver pas mal de monde, on pourra retrouver des gens du CCL, mais aussi des camarades de la CNT, de la Mouette enragée et plein d'autres sans doute. Voilà. C'est toute la journée, ça, et c'est à Arras vendredi prochain. Et il n'y aura pas de voix sans maître vendredi prochain. Eh oui, parce que la semaine prochaine, place à la soupe. Bon, en attendant, on va passer à un morceau d'un groupe qui va passer au Centre culturel Libertaire. Deux morceaux d'ailleurs. Donc je vais dire les deux titres à la suite. C'est Mental Distress, le nom du groupe. Et le premier titre, c'est Fuck Your Penis Privilege. Et le deuxième, c'est Love Sex. Hate sexism. Voilà. Voilà. On y va. Donc, on emmerde les privilèges des gens qui ont des pénis. Voilà. Et aimer le sexe, détester le sexisme. C'est plutôt bien de le dire parce que c'est pas forcément évident qu'on comprenne dans la chanson que ça dit ça, mais du coup, voilà. Je vais faire très attention aux paroles. Et tu fais ta chronique après ? Right. Et du coup, on écoutait Mental Distress, qui passe ce dimanche au Centre Culturel Libertaire. Et tout de suite, du coup, on va enchaîner avec un reportage. On va passer à un morceau de son qui a été réalisé par une émission qui s'appelle Actu des Luttes sur Fréquence Paris Pluriel, une radio associative parisienne. Et du coup, c'est un reportage qui a été fait du 23 au 27 mars 2015 lors d'un procès dans lequel 916 travailleurs marocains ont attaqué en justice la SNCF. Du coup, c'est pas mal expliqué. Je vais pas raconter toute l'histoire qui est déjà racontée dans le reportage, mais juste ce qui est intéressant, je pense, là-dedans, c'est de bien voir l'aspect raciste de l'entreprise d'État qu'est la SNCF, et notamment la manière dont elle utilisait des travailleurs marocains pour faire du sale boulot, et tout en niant ses droits, et notamment l'égalité des droits entre les travailleurs marocains et l'État et les travailleurs français. Voilà, du coup on écoute ce truc là, ça dure une vingtaine de minutes et puis on revient après. Alors, il est 13h et nous sommes le 23 mars et nous sommes devant le tribunal des prud'hommes de Paris pour un rassemblement appelé par les 916 Chibéni. Oui, 916, tous arabes et la plupart c'est de vieux bonhommes de la SNCF qui passent pendant 4 jours devant le juge départiteur, un juge professionnel et aussi devant les conseillers prud'hommes qui vont trancher le litige concernant les discriminations qu'ils ont subies durant toute leur carrière. Alors, étant donné que les 18 jugements rendus précédemment ont été similaires, les juges civils du Conseil des Prud'hommes de Paris se sont déclarés incompétents pour juger de l'égalité entre tous les travailleurs. La justice va passer 4 jours à juger le traitement discriminatoire de la SNCF envers ces 916 Chibéni. Divisés en 18 groupes, les 916 Chibéni passent depuis 2009 par groupe d'une cinquantaine de personnes devant le CPH, devant le Conseil des Prud'hommes en question, avec un nombre impressionnant de renvois, 6 ans de procédure. Bien que chaque personne ait un parcours professionnel différent, tous, sans aucune exception, ont été discriminés. Ces cheminots ont essentiellement été recrutés au Maroc. Leur contrat stipulait pourtant que le travailleur... Alors là, c'est vraiment texto, hein, écrit noir sur blanc. Le travailleur doit recevoir un travail égal, sacré travail, hein. Et je fais pas de digression, à travail égal, une rémunération égale à celle de l'ouvrier français de même catégorie employé dans l'établissement. L'égalité s'étend également aux indemnités s'ajoutant au salaire. Voilà ce qui est écrit dans le contrat qu'ils ont signé. Les Chibéni cheminots ne peuvent évoluer pourtant que sur 3 qualifications contre 7 qualifications pour les cheminots français. Il a été refusé l'accès aux examens parce qu'ils étaient justement étrangers. Et même ceux qui occupaient la fonction maîtrise se sont vus refuser la qualification qui va avec parce qu'ils étaient non français. Deuxième point concernant la discrimination. La discrimination a également porté sur la protection sociale, inférieure à celle de leurs collègues français. Oui, les Chibéni doivent travailler en moyenne 7 ans de plus que leurs collègues français pour une retraite 3 fois moindre. Ils n'ont pas accès à la médecine de la SNCF non plus. Les pensions de reversion aux veuves sont misérables, en moyenne 300 euros, et les veuves des autres cheminots n'ont pas pourtant à subir cette ingratitude. La France peut se vanter d'avoir les meilleures infrastructures ferroviaires d'Europe, ça elle peut le faire. La pose et l'entretien de voies ferrées, la manœuvre dans les centres de triage des locomotives. Ces deux métiers qui ont en commun la pénibilité physique, hein, justement, et le travail en extérieur par tous les temps, ont été assumés par ces Chibéni-là. En résulte que leur santé est aujourd'hui particulièrement dégradée. Les postes tenus par ces indigènes du rail n'étaient guère attrayants pour les cheminots français parce que très durs et peu payés. Donc la SNCF veut faire traîner les choses. Elle le fait bien, hein, depuis 2009. À ce jour, Beaucoup de papis ont occupé les mêmes postes de début à la fin de leur carrière, il y a environ 30 ans, 35 ans maintenant. Ces cheminots pourtant ne sont pas des contractuels comme les autres. Un statut défavorable a été créé sur mesure pour eux. C'est ce qu'on appelait le PS25. L'argument premier de la SNCF est qu'il n'y avait pas de loi interdisant ces pratiques discriminatoires à l'époque, puisque la première législation contre la discrimination, tenez-vous bien, date de 2001. L'égalité de traitement est pourtant inscrite dans la Constitution de 1958, mais aussi dans la Convention numéro 111 de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, ratifiée en France en 1958. La SNCF ne respecte pas le principe d'égalité de traitement entre les salariés placés dans une situation pourtant identique. L'article 64 de l'accord euro-méditerranéen du 27 février 1976, modifié le 26 février 1996, stipule pourtant que chaque État membre de l'Europe accorde aux travailleurs de nationalité marocaine sur son territoire un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport à ses propres ressortissants en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération et licenciement. 3 points. Ce combat pour l'égalité est identique à celui des anciens combattants issus des colonies ou celui des mineurs du Nord. La SNCF, en voulant faire traîner les choses en justice, promet encore aux Chibani cheminots de longues années de procédures judiciaires. À ce jour, des dizaines de ces Chibani sont morts, beaucoup au travail, et les autres encore vivants ont en moyenne à peu près 62 ans. Au final, comme les anciens combattants issus des colonies, qui ont vu l'alignement de leur pension sur celle des militaires français, ce combat va très certainement être gagné. Après, il faut savoir dans combien de temps. Et c'est là-dessus que la SNCF, elle joue. Les autres entreprises publiques, la Poste, EDF, GDF, les RATP, etc., ont pourtant depuis longtemps retiré cette clause de nationalité discriminatoire et ont reconnu l'égalité au travail des salariés extra-européens. Je suis rentré le 4 octobre 1973, alors j'ai quitté la SNCF, le 1er janvier 2009. 2009, alors là, je m'en sors, alors là, j'ai des problèmes d'audition, alors là, j'entends pratiquement rien. Mais la SNCF se dégage de tout ça. À cause du travail. Hein? Oui, à cause du travail. J'étais allé voir un neurologue, là, comme ça, il m'a dit, c'est la surdité qui vient. C'est la surdité, c'est à cause des... vous savez, le machin sur les machines, il y a une espèce de machin. Les 5 barres, un système 5 barres, 9 barres. On a été exposés pratiquement tous les jours, jour, nuit. Les 37 ans et demi que j'ai travaillé en 3-8. C'est-à-dire matinée, soir, 16-14, 14-22, 22-6. Et samedi, dimanche, et les jours fériés compris là-dedans. Et après, comme on m'a chassé de relais là comme ça, on avait le droit à pratiquement rien. Excuse-moi l'expression. On avait le droit de travailler et de fermer sa gueule, comment dire. C'est pas ça, comment dire, comme ça. Si t'es pas content, on dit que carrément, quand t'es pas content, te dégage chez toi. Parce que t'es pas français, etc. Cette situation. Malheureusement, comme ils ont dit, ceux qui ont obtenu la nationalité française, qu'ils ont demandé la nationalité française, ils ont resté au même niveau. Ça n'a pas bougé. Il y en a certains, il y en a quelques-uns. C'est-à-dire qu'ils avaient moins de 45 ans. En obtenant la nationalité française, ils ont essayé de les incorporer au cadre permanent. Pas les mêmes droits que les autres. Comme ils disent, on a un contrat de travail qui spécifie même droit, même travail. Mais on n'a jamais eu le même droit. On n'a jamais, par exemple, lorsqu'il y avait des postes, des responsabilités, on choisit les agents compétents, on les connaît, alors celui-là a relevé confiance. Tiens, tu fais la fonction, mais tu n'as pas la paye. Tu as la fonction, mais il y avait des collègues de travail qui manifestaient. Pourquoi tu mets ce bougnoule là? Carrément comme ça. Comme ça. Je ne vais pas me faire commander par le bougnoule, etc. À ce moment-là, il y avait le chef qui intervient. Il dit, tu n'es pas capable de tenir le poste, alors c'est lui qui va tenir le poste. On a tenu des postes de responsabilité jusqu'à la fin, mais sans plus. Oui, sans le salaire qui va avec, sans les droits qui vont avec. Il n'y avait pas que le salaire, il y avait d'autres choses que le salaire. Il y avait d'autres choses, malgré qu'on avait passé des examens. Des examens, on n'a jamais été noté. Par exemple, on passait un examen pour avoir l'accès au grade supérieur, c'est-à-dire le cheminot du statut. Il est nommé aussitôt. Avant l'examen, avec un résultat. Un résultat juste, ou bien parfois, ils n'avaient pas un résultat. Le résultat de cette audience aujourd'hui, là, c'est au 21 septembre, je crois. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont nous sortir encore du chapeau. Un petit lapin. Bah, c'est comme d'hab, voilà. Pas grand-chose, pas grave. Pourquoi ça sort aujourd'hui? Pourquoi il faut attendre tout ce temps-là pour que retrouver la SNCF et vous, les Chibani, dans le conseil des prud'hommes? Pourquoi tout ce temps? Pourquoi ce temps? Parce que personne ne veut le comprendre. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date, je ne me rappelle plus, qu'au navire. Il y a eu des audiences auparavant. Ah oui? Oui, avant 2000 là, parce que la majeure de l'avocat, il a été, comme je crois, ils avaient dit au Conseil d'État. Le Conseil d'État a rejeté ça à cause de la nationalité. Il y a eu des procès. Alors même quand le Lionel Jospin était Premier ministre, alors il a reçu une délégation. Alors la délégation, ils ont envoyé la responsabilité. Le Premier ministre, c'était pas de son domaine, c'est le domaine du ministre de Transport. Le ministre de Transport, c'était pas son domaine, c'était le domaine, etc., etc. Alors ils ont abandonné, alors ils ont renouvelé encore. Ils ont renouvelé, alors là, je crois, 2009 qui a commencé à avoir un rassemblement. Parce qu'auparavant, il n'y avait que la région parisienne. Après, c'est allé sur toute la France. Sur toute la France, même sur la région parisienne, c'était... Parce que moi, c'est déclenché à la gare de l'Est, établissement de Paris-Est. Après, il a été joint par l'établissement de Paris-Nord. Après, c'est réparti sur les machines, la grande couronne. Après, c'était parti à Strasbourg, c'était parti dans toute la France. Bon, c'était une association qui s'appelait Ismaïlia. Alors maintenant, c'est les cheminots marocains, je crois, l'association des cheminots marocains. Ça a changé de nom, etc., etc. C'est-à-dire le même problème que les anciens combattants. C'est le combat des anciens combattants, les anciens combattants marocains, etc., etc., qui a duré plus de 25 ans. Ils ont eu gain de cause. Ouais. Alors nous, les cheminots, je ne sais pas si on a gain de cause, je ne sais pas. Et on était syndiqués. Alors les syndicats, ils n'avaient rien à foutre de nous. Là, ils ne sont pas là. Non, je croyais le Sudrail. Alors, Sudrail qui se tient, le machin, il n'y a que le Sudrail. D'accord. La CGT, la CFDT, la FO et tout ça, c'est machin. Oui, ils ont foutu complètement. Complètement, ils ont foutu complètement. Même quand ils ont foutu le machin, la retraite d'office, les agents de la retraite d'office, ils trouvaient que c'est anormal. Ils trouvaient que c'est anormal qu'un agent de la, comme ils disent, de PS25, des auxiliaires particuliers, qui partent avec 75% de leur salaire. Ils avaient trouvé que c'est anormal. Moi, on était à la mutualité, je crois. On était réunis à la mutualité, là, comme ça, bon, pour savoir les résultats du machin, des négociations, etc., etc. Moi, j'étais derrière les délégués, des délégués nationaux, c'est pas les délégués locaux, là, comme ça, qui manifestaient que c'est anormal, là, trop, là, comme ça, que les chômeurs marocains qui partent avec... que ça présente une misère, alors. C'est présente, alors, comme... présente pas grand chose. Comme je crois, ils ont dit tout à l'heure, avec machin, 900 euros de retraite. Alors qu'est-ce qu'on fait avec 100 euros de retraite? Avec un loyer de 650 à 700 euros. Alors c'est pas grand chose. C'est pas grand chose. Par exemple, j'ai 37 ans, presque 38 ans de service. J'ai 37 ans et demi à l'essentiel, fait 2 ans dans le prévu. Alors ça me fait une retraite de 1290, qu'est-ce qu'on fait avec 1290 à nos jours, 1290 euros, ça présente pas grand-chose. Il y avait des trains classiques, alors on formait les trains, etc., etc., on manœuvrait les trains. Toute la journée, courir sur le chantier, alors de machin. Je ne sais pas si vous connaissez le chantier, moi j'ai travaillé sur le chantier de l'Ourcq. C'est une annexe, ouais, annexe à la gare de l'Est. C'est pas l'Ourcq, c'est entre Pontas, ça se trouve, géographiquement, ça se trouve à Bobinir. On appelait ça, c'était à l'époque, c'était Pontas, Bobinir, Pontas, Bobinir. Non, c'est où il y a l'actuel TGV actuellement, là. Gare TGV, là. C'est là-bas que j'ai travaillé. Alors, c'était décrocher, raccrocher les trains, retirer les machines, les voitures, réformer, incorporer les voitures qui sont bon, à relire, etc., etc. Sur la neige, sur la pluie, sur le froid, etc., etc., etc. Je vous avais dit, samedi, dimanche, les jours fériés compris. Alors, on était toujours là. Je passe mes tests. Je les ai réussis. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais enfin, je les ai réussis quand même. Donc, la SNCF était contente de ma prestation. Donc, on me dit, voilà, aujourd'hui, on t'ouvre la nouvelle réglementation. On s'est mis d'accord. Voilà ce que je dois à la SNCF. Voilà ce que la SNCF me doit. La SNCF a trahi. C'est pas de ma faute. Maintenant, je dis à la justice, éclaircir la situation. Dites-nous qui a tort, qui a raison. J'ai des collègues qui sont morts accident de travail. Ils sont partis. Leur famille aujourd'hui, vraiment, ils sont... Si on pouvait revoir leur dossier, vous verrez. s'il y avait de la discrimination ou pas. Par exemple, les gens qui partent en retraite, auxiliaires, 50%. La sécurité sociale, c'est normal, nous sommes comme nos collègues français. Mais le calcul à la SNCF, il est fait sur les 6 derniers mois pour partir à 75%. Et nous, à la sécurité sociale, sur 25 dernières meilleures années pour partir à 50%. Alors la SNCF, où est le problème? Est-ce que c'est la balle est dans mon camp ou dans les leurs? Mais quand j'entends leur avocat parler, excusez-moi, j'ai envie de vomir, mais c'est un avocat. Et il argumente, il fait tout pour défendre ses clients, c'est normal. Mais moi, je dis, mettons-nous autour d'une table. J'amène mes papiers et expliquez-moi s'il y a discrimination ou pas. Claire et nette. Il n'y a pas besoin de tourner autour de... ça fait combien? Depuis 2001 que les prud'hommes n'ont pas statué. C'est quand même quelque chose de bizarre. Les prud'hommes, normalement, maximum, un an, le problème est réglé. Pourquoi nous, on nous traîne? Qu'est-ce que c'est cette liberté-égalité? La liberté, elle est là, causée toujours. L'égalité, ah non, non, non, vous êtes trop nombreux. Ça tourne en rond. Le juge, le pauvre, je lui dis chapeau parce que 900 personnes, 900 dossiers, et il faut qu'il lise tout ça là, je ne sais pas s'ils vont tout lire. Je n'en sais rien, je me mets à sa place, il y a une prise de tête pas possible. Les avocats, ils se font leur beurre, il faut dire ce qu'il y a. Ah, maître, je ne sais pas comment il s'appelle là. Le petit bonhomme là. Est-ce que nous faisons partie de cette nation ou pas? C'est ce que je veux savoir. Moi. Les avocats, ils vont soustraire de l'argent à la SNCF. La SNCF, c'est une société normalement semi-publique. Mais pourquoi ne pas régler le problème à l'amiable et cesser de gaspiller l'argent des Français? Parce que les avocats, c'est très bien. Ils ont été à l'école pour ça. Hein. Soustraire le maximum. Basta. Les Chibanais, qu'ils ont 4 sous ou pas, c'est pas un problème, ça. C'est secondaire. 34 ans en tant que cheminot, mais à la SNCF, en tant que cheminot de seconde zone. Excusez-moi, je plaisante. Hein. Tout ça, ça me soulage. J'ai envie d'éclater, mais avec qui? Bon. Ah oui, parce que les premiers Chibanais, ils sont venus défendre la France sur la frontière, la forêt noire là-bas. Il paraît qu'il y a encore des morceaux de gel là-bas accrochés après les arbres là-haut. Que les Allemands ont savaté. J'ai commencé par mes enfants. Je leur explique la situation. Ils me disent, pourquoi tu vas à Paris? Je leur dis, ce qu'on a subi, nous. Peut-être que vous allez le subir aussi. Voilà. La SNCF, qu'on a aimé. Hein? Des fois, je passe le long des voies où j'ai travaillé, je me dis, mon Dieu, c'est comme si je n'ai pas existé. Hein? Moi qui courais devant les trains pour couvrir les obstacles, parce qu'il y a un danger. Tout ça par amour. Eh oui. Des kilomètres et des kilomètres de voies construites avec ces auxiliaires-là. Des kilomètres et des kilomètres de wagons accrochés par ces individus-là. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Et dormir la nuit dans les bungalows, se chauffer au charbon dans le temps. Dans des guérites vraiment lamentables. Voilà l'amour qu'on nous réserve. C'est le tribunal. Mais c'est bien, c'est un honneur de se trouver devant la justice française. C'est formidable. Donc on avait un contrat, de nom. La SNCF s'engage à nous mettre sur pied d'égalité avec les autres collègues. Et nous, on nous a demandé l'engagement de faire le travail sérieusement. On l'a fait depuis le 29 mai 1974 jusqu'en l'an 2008. 2008, je suis parti au départ volontaire. On m'a proposé de partir parce qu'ils ont senti que j'ai commencé à vieillir. Peut-être le rendement à leurs yeux n'était pas ça. Ouais. Ou alors ils préparaient autre chose que ça, mais bon, voilà. C'était quoi ton boulot, toi, là-bas? J'étais sur les voies, moi. L'infrastructure. D'accord. Voilà. Réparation, soulever. Maintenance. Voilà. Renouvellement des voies, remplacement des rails, remplacement de traverses, nivellement, pour conserver le matériel et conserver la clientèle qu'elle soit pas trop bousculée. On y a appris goût. Hein. Et c'était une fierté. Au travail, on a adopté cette société. Moi, personnellement, je l'ai aimée. Je l'ai adoptée comme elle m'a adopté. Ouais. Mais le personnel SNCF, l'encadrement, c'est des vrais mafiosos. Ils ont fait leur job pour leur carrière, en oubliant la nôtre. Ouais. Voilà. Depuis 2001, moi, personnellement, depuis 81, j'ai fait ma première manifestation en écrivant au ministre des Transports de l'époque, de la gauche, hein, M. Charles Fetterman. Sans nous, c'est foutu. Hein. Sauvez-nous, Charles Fetterman, c'est ce que ça veut dire SNCF. Je lui ai écrit, j'ai eu une réponse par le biais de la direction, on m'a renvoyé au RH. Le RH me dit, monsieur, c'est la loi, on ne peut pas vous titulariser. D'accord ? Mais le travail, il n'y a pas de titulaire, il n'y a pas d'auxiliaire. Quand on est devant une pioche, devant une fourche, devant une baramine qu'on appelle dans le temps, il n'y a pas de différence. Nous sommes tous dans le même bain. Mais pourquoi il se cache derrière un truc, un faux débat ? Normalement, la loi du travail me donne raison. Parce qu'au travail, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc. Du moment qu'on gratte, qu'on fasse le travail demandé, c'est le principal. Pourquoi aujourd'hui la SNCF se cache derrière tout un tas de règlements qu'elle a modifiés elle-même tout au long de la carrière. Parce qu'on nous dit la loi, la loi. La loi, c'est une chose. Mais les règlements internes à la SNCF, ils ont été modifiés, chamboulés, remodifiés à leur manière. Nous, on disait toujours non. On n'est pas d'accord. Les syndicats, les délégués, il y avait des délégués de bonne conscience, ils ont fait leur job. Mais en haut lieu, j'ai l'impression qu'ils ont été achetés par la SNCF. Quoi. Ah oui, parce que la direction elle leur dit, tu veux ça, je te donne ça. Alors, calme-toi, laisse les immigrés travailler, ils sont heureux, c'est bon comme ça. Voilà, je fais peut-être un petit peu de comédie. Aujourd'hui, quand j'entends l'avocat de la SNCF parler des cheminots, de la manière qu'il parle, c'est comme c'était des objets. C'est comme si on est venu des clandestins. C'est comme si on n'avait pas de contrat de signer. Mais il oublie qu'il y a des papiers, il y a des écrits. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Moi, ce que je demande à la SNCF, c'est qu'elle assume sa responsabilité. Elle nous a discriminés tout au long de notre carrière. Elle nous a interdit d'aller à la médecine SNCF. Elle nous a interdit d'aller pendant les heures de service comme nos collègues. Nos collègues, ils allaient pendant les heures de service, moi, et il faut que j'attende le soir pour aller sur mon temps voir mon médecin traitant. Par contre, les sanctions, la médecine de travail, pour pouvoir justifier l'aptitude, on nous envoyait à la SNCF. Donc, si ce n'est pas de la discrimination, qu'ils expliquent qu'est-ce que ça veut dire, ça. La terre des droits de l'homme, la terre de l'égalité, je leur dis, mes collègues, ils sont partis califés. Moi, je suis parti calif, c'est pourquoi. Et pourtant, on a effectué le même travail. Je dis à la SNCF et au syndicat, de connivence avec la SNCF. Dans les listings pour passer à, par exemple, un grade supérieur, avoir un indice, pourquoi les auxiliaires n'avaient pas de listing ? Il n'y en avait que pour les titulaires. Nous, on nous mettait toujours de côté. La SNCF a créé le PS25 exprès pour la communauté marocaine. C'est quoi le PS25 ? C'est un règlement qui concerne les auxiliaires de nationalité étrangère. Donc la SNCF, elle a fait sa sauce, il n'y avait personne pour la contredire, même les syndicats. Moi, je le dis haut et fort, et je suis prêt à débattre avec eux, pour leur prouver le contraire de ce qu'ils disent. Certains délégués, ils étaient avec nous, ils nous ont défendus, et je sais comment ils ont fini. Ils ont fini dans le même placard que moi. Voilà. Tous les gens qui parlaient vrai, on les mettait de côté. Mais en haut lieu, les directions syndicales. J'ai demandé à quelqu'un de la CGT pour qu'il soit avec nous aujourd'hui, là. Il est où ? Et pourtant, c'est quelqu'un qui forme les gens des prud'hommes, pour qui on a voté quand on était actif. Même, ils sont venus en retraite, ils nous ont donné des trucs pour voter pour les syndicats. Chacun navigue pour son intérêt. Mais l'intérêt de cette population auxiliaire, il a été oublié. Il a été bafoué. Moi, je dis, à la loi française, c'est vraiment, elle veut être appliquée. Et bien, c'est là ou jamais. Dites-nous oui ou non, on a été discriminé. Les preuves sont là. Il y avait des collègues, ils ont formé un collectif et ils étaient discriminés, mais aux yeux de Paris, aux yeux de la capitale, parce que moi j'étais en campagne là-bas, personne ne faisait attention à moi. Je râlais avec les syndicats ils étaient là-bas. Mais eux, ils ont formé un collectif, une association, ils ont pris les dossiers en main. C'est là que j'ai su qu'il y avait quelqu'un pour me défendre et que là, j'ai dit, c'est le moment ou jamais pour défendre cette affaire par principe. Pour le principe. Le principe, c'est quoi ? Liberté, égalité, fraternité. Alors moi, je demande qu'elle soit appliquée. C'est ça mon principe. Mais l'argent, même qu'on me donne 10 milliards, à mon âge, je m'en fous carrément. Mais le principe, qu'il y a une reconnaissance. Non, mais ça, l'argent, on ne peut pas le négliger. Ça participe. Mais la parole, les écrits, leur application, qu'est-ce qu'on en fait ? c'est tout. Voilà. Mais il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à faire. Donc bravo aux gens qui ont formé ces dossiers-là. Bravo à l'association Ismaïlia qui ont pris le taureau par les cornes, comme on dit, pour défendre le biftec. Et nous sommes avec eux et nous faisons partie de ce collectif jusqu'à la fin de la vie. Un barreau entier qui vient défendre une société avec des milliards et une société demain qui va investir au Maroc. Il y a combien de milliards qui vont racler de là-bas? Mais tout ça en connivence avec l'État marocain. Ils veulent faire avancer le chemin de blé, on crée le TGV. Mais les Chibani, qu'ils ont passé toute leur vie ici, on a construit les voies du chemin de fer. Il fallait que je fasse le calcul pour les kilomètres construits avec les auxiliaires, en ayant des fonctions d'un titulaire. Sécurité des circulations, sécurité des personnels, sécurité du travail et technique en plus de ça, que j'ai appris en France. La France, je ne crache pas dessus. La SNCF, je ne crache pas dessus. Mais les gens, l'encadrement, je leur en veux. Je leur en veux. Parce qu'il y a des personnes qui sont parties en retraite. Ils doivent avoir leur conscience. Je ne sais pas comment ils sont. Parce que c'est eux qui ont modifié les règlements internes à la SNCF. C'est eux qui ont vu gros, je ne sais pas comment. Ils ont dit, ouais, ils vont subtiliser plein d'argent. Et puis, bon, les carrières, ils vont le coûter cher. Mais moi, je vais vous dire une chose. C'est que j'ai des collègues français, pareils que moi, ils sont partis dans la même situation que moi, discriminés dans leur pays. Aujourd'hui, j'ai pris la nationalité française pour me défendre, pour parler encore un peu plus, pour prouver à cette nation et à la France que les inégalités ne passeront plus. Grâce aux gens de bonne volonté, les associations humanitaires, les gens qui parlent vrai, les gens qui ne cherchent pas une excuse quelconque, ou de l'argent, ou un poste. Moi, j'ai rien à demander à personne. Je demande qu'il y ait une reconnaissance. Parce que la France a reconnu beaucoup de choses. Mais alors, les Chibani, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'elles veulent nous faire le même système que les militaires. Et il y a des femmes veuves au Maroc qui ne touchent pas un centime pour que leur mari, ils sont morts au front. Mais c'est pas bien. C'est pas bien. Attention, la France, je t'aime, mais rends-moi mon amour. Sois égal avec moi. Attention, applique ce que tu dis. Moi, j'ai confiance dans la justice, comme on dit. Hein. Après, c'est leur conscience qui est engagée. Parce que eux, ils parlent loi, ils parlent article, et ils parlent elle, machin, les renvois, c'est cela. Moi, je ne connais rien. Pourtant, la France nous dit, nul est censé ignorer la loi. Mais c'est pour endormir le poisson, ça. Mais là-bas, il y a beaucoup de gens de souche française qui sont maltraités, pire que moi. Et je leur dis bon courage, mais battez-vous. C'est pas battez-vous avec les armes, hein. La parole. Parce que c'est quand même quelque chose de bien. C'est quelque chose de très bien qu'on ait le droit à la parole. Malgré qu'elle n'est pas prise en compte, mais tant pis. Au moins, j'aurais dit ce que je pense. Voilà. Et du coup, on écoutait tout de suite un reportage qui est passé sur Fréquence Paris Pluriel sur du coup ce procès des 916 Chibani contre la SNCF. Ce qui avait particulièrement d'intéressant, on trouvait peut-être là-dedans, c'est le fait de revenir sur le fait que le processus d'industrialisation de la France et le processus colonial, c'est des choses qui vont de pair et que du coup, on voit encore ça. Après la décolonisation officielle des pays du Maghreb, et que toutes ces choses-là elles sont encore très présentes dans l'organisation, dans le droit, et ces choses comme ça, et du coup c'est contre ça qu'il faut lutter, et c'est pour ça que c'est très intéressant, il nous semblait, cette lutte. Et tout de suite du coup on va enchaîner avec un morceau d'un groupe qui s'appelle Douche Froide et un morceau qui s'appelle Rouge. On rappelle que vous pouvez nous appeler toujours pendant les pauses musicales au 03 20 91 24 00. Rouge, je tape sur le mur. Mes cauchemars, le rouge. écoutait Douche Froide avec un morceau qui s'appelle Le Rouge. Et c'est la voix sans maître qui termine pour cette semaine, termine par une dernière chronique sur l'actualité à Calais. Oui, il reste encore 12 minutes à tenir. Alors, je ne vais pas parler que de Calais. D'ailleurs, je ne vais pas commencer par parler de Calais. Je vais commencer par raconter que le fin mars 2015, en Tunisie, il y avait des rencontres anarchistes méditerranéennes. Alors, j'avoue que j'ai vu aucun retour de ces rencontres anarchistes méditerranéennes. Mais en tous les cas, ça me faisait plaisir qu'elles aient lieu. Et du coup, voilà, je pensais que c'était bien de la mentionner. Vous mentionnez ces rencontres. Et j'ai juste récupéré l'appel, la déclaration commune de début de ces rencontres. Et puis j'aimais bien aussi que c'est des rencontres qui ne soient pas, de type, je sais pas quoi. Pas que européenne, quoi, pour changer, ça faisait plaisir. Et puis également des rencontres anarchistes qui se passent en Tunisie. Moi j'en connais pas beaucoup, mais bon, après je suis pas tunisien du tout, du coup peut-être qu'il y en a tout le temps, je sais pas. Voilà, en tous les cas, je vais juste résumer rapidement le contenu de cette déclaration commune. Ils se décrivent comme organismes, mouvements et groupes libertaires, anarchistes, non autoritaires, et puis voilà, qui ont finalement défini comme plateforme commune deux éléments qui sont à la fin de l'intro de cette déclaration commune, qui sont: un, l'union des forces libertaires de la zone méditerranéenne dans l'affrontement de la politique d'oppression et d'exploitation adoptée par les États contre les peuples, et deux, l'union et la coordination dans l'affrontement de toute forme d'extrémisme, quelle que soit leur dénomination, leur référence religieuse, ethnique ou autre, qui pourrait paralyser la volonté des peuples de se libérer et de se détacher de l'autorité du capitalisme. Voilà. Un autre élément que je relève de cette déclaration commune, c'est que ils ont l'impression, et voilà, que la Tunisie, donc le premier pays à vivre la protestation sociale, ayant fait chuter les dictatures, donc récemment là, pour eux connaît une terrible régression et un dérapage dangereux vers une nouvelle dictature militaire et sécuritaire qui se met en toute obéissance au service du capitalisme, tel que ce fut le cas des peuples ayant vécu un mouvement révolutionnaire comme l'Algérie, le Maroc et d'autres. Voilà, et qui aussi dénonce que nombre de militants révoltés qui réclament la liberté endurent la surveillance, l'oppression, les arrestations, l'emprisonnement, la torture et l'assassinat direct par balle sous la couverture de, entre guillemets, la sécurité générale, de, entre guillemets, l'intérêt public et, entre guillemets, de la lutte contre le terrorisme. Voilà, je trouve que c'est intéressant parce que c'est... Ça rappelle des choses. Ça rappelle que voilà, on fait face aux mêmes ennemis avec les mêmes logiques et même les mêmes argumentaires débiles que sont ceux de la lutte contre le terrorisme. Cazeneuve encore récemment disait, donc le ministre de l'Intérieur en France, disait qu'on était face à une menace terroriste sans précédent. Voilà, du coup, qui justifiait des mesures nouvelles. D'exception, voilà. L'exception qui dure, là. C'est ça. Et notamment la mise en place d'un système de surveillance généralisé de la population française sur les communications électroniques, qui a été voté à l'Assemblée nationale la semaine dernière, avec 30 parlementaires sur une Assemblée nationale qui en compte plus de 500. Oui, peut-être. Il me semble. Donc ça, voilà, donc, et 25 qui ont voté pour, 5 qui ont voté contre, enfin qui étaient contre en tout cas. Peut-être qu'il y a des votes avec les gens qui passent à tous les pupitres de leurs petits camarades pour aller voter parce qu'ils sont allés faire autre chose. Et là, en l'occurrence, oui, ça signifie moins de 5% de l'Assemblée nationale, voilà, pour voter la mise sous surveillance de toute la population. Voilà, c'est très glorieux. Et du coup aussi, un autre chose de la, la, un, Une autre conséquence de la lutte contre le terrorisme, c'est par exemple un truc plus connu, mais le Vigipirate qui a regrimpé d'un niveau après les attentats, au moment des attentats de janvier, qui n'est toujours pas redescendu de son niveau, qu'on peut parier qu'il ne redescendra plus. Et c'était intéressant, là, je disais un truc là-dessus il n'y a pas longtemps, c'est que du coup, le Vigipirate rouge, on était en Vigipirate rouge depuis les attentats de Londres de 2005, alors que c'était un truc qui était prévu pour être graduel. Et l'année dernière, ils ont tellement le niveau maximum de la graduation avait plus d'intérêt puisqu'il y avait tout le temps au maximum. Ils ont arrêté de l'échelle de graduation et maintenant il n'y a plus que deux niveaux. Mais alors là, on est encore repassé au niveau maximum qui est censé être le niveau exceptionnel depuis plus de 3 mois. Et du coup, avec notamment une présence militaire particulièrement importante qu'on voit tout le temps et auquel On s'habitue depuis une génération, puisque le plan Vigipirate, ça date de la guerre du Golfe numéro 1. Ouais. Enfin, en tous les cas, la dernière fois qu'elle a été activée et puis plus jamais désactivée, c'est 91. Puis ça a été désactivé pendant 6 mois, je crois. Puis ça a repris et ça ne s'est jamais arrêté. Voilà, donc on est depuis... Ça fait une génération, comme on dit, hein, qui vit sous ce plan d'urgence avec sécuritaire. Avec les militaires qui patrouillent. Avec les militaires qui sont chargés normalement de l'extérieur et qui sont les bidasses, sont dans la rue, à notre contact avec leurs armes d'assaut, leurs fusils d'assaut, etc. etc. Bon. Voilà, donc c'est l'autre chose. Dernière chose à rappeler par rapport à la politique française également, sur l'utilisation du terrorisme, c'est récemment, François Hollande ne fait pas que se moquer du Parti communiste français, c'est-à-dire cracher sur les éventuels électeurs du second tour au moins. Mais bon, c'est son intelligence politique probablement. Et il a également dit que les passeurs étaient des terroristes. Donc les gens qui aident les migrants, alors parfois contre de l'argent, à passer. Non, je faisais une remarque, mais qui n'est pas très malin. Tu peux la refaire si tu veux. Je disais que c'est souvent un échange d'argent, mais en fait, j'en sais trop rien, et puis c'est difficile de savoir, et puis ça n'a pas tellement d'intérêt, du coup. Ouais. Et puis, il y a aussi des gens qui font ça sans demander de l'argent, du coup. C'est ça. C'est aussi qui se retrouvent dans cette affaire-là. Donc, derrière le terme de passeur, effectivement, il y a large spectre de comportements. Et donc voilà, donc là, ça y est, c'est François Hollande a dit que les passeurs étaient des terroristes. Voilà, donc on ne sait pas. Prochaine fois, ça va être quelqu'un qui recharge le téléphone portable d'un migrant. Ça va être un terroriste. Hein, y a plus d'échelle, quoi, comme tu disais juste avant. Bref, en parlant aussi de plus d'échelle, il y a une camarade anarchiste, Emma Shepard, qui a été condamné en février dernier, le 24 février 2015, à Bristol, pour dommages criminels pouvant mettre en danger la vie d'autrui. Donc une anarchiste qui a été condamnée à 2 ans de prison, 2 ans d'emprisonnement en Angleterre, à Bristol. Enfin, je ne sais pas si c'est l'Angleterre, mais au Royaume-Uni. Et la raison pour laquelle elle a été condamnée à ça, c'est qu'elle avait mis des planchettes avec des clous qui avaient été disposées devant un commissariat pour crever les pneus des voitures de police. Voilà, elle a assumé l'action, elle a été arrêtée sur le fait. Une autre personne, on est heureux et heureuse pour elle, a pu échapper aux policiers. Voilà, elle est en prison. On ne sait pas pour combien de temps. Elle a écrit des textes pour raconter comment elle se sentait du fait d'être en prison. Et c'est possible de lui envoyer des lettres de solidarité. Alors je ne vais pas donner toute l'adresse au téléphone, ce sera un peu compliqué, surtout que c'est en anglais. Par contre, si vous envoyez un mail à l'adresse de l'émission La Voix sans maître, donc La Voix sans maître, tout attaché, @rbefol@rbefol.org. lavoixsansmaître@rbefol.org, eh bien, on vous donnera l'adresse pour lui envoyer des lettres de solidarité. Pendant ce temps, À Calais, donc, comme je disais, il se passe toujours des choses. On avait déjà raconté l'installation d'un bidonville d'État sous la responsabilité, mais bon, il n'y a pas de document écrit, il n'y a rien de légal. C'est le non-droit total mis en place par l'État français et par les préfectures. Donc, d'un bidonville à quelques kilomètres de Calais, bidonville qui a été construit non pas évidemment par l'État, mais contraint et forcé sous la menace d'expulsion violente et la propagande également de la police qui parfois venait quasi en incognito, en anonyme, mettre la pression aux gens qui habitaient dans des bidonvilles autour de Calais pour leur dire il faut partir sinon on va vous taper sur la gueule si vous partez pas avant la fin mars quoi. Et du coup, voilà, Cazeneuve a dit qu'il viendrait, il n'est pas venu. La préfète dit qu'elle n'a pas assez d'argent et du coup que c'est Médecins du Monde qui doit construire des toilettes hein, pour, on suppose, entre 1000 et 1500 personnes qui vont venir s'installer là. En parallèle, ils construisent avec les 15 millions d'euros qui ont été attribués par l'Angleterre un renforcement de la sécurité du port. Donc, ils construisent des murs, notamment, et là, ça nous dit, c'est un beau raccourci, ils construisent des murs avec les barrières de protection des Jeux Olympiques de Londres. Voilà, ça donne tout de suite le contexte. C'est les Jeux Olympiques de Londres, la fermeture des frontières. C'est un très beau mélange. Voilà, la prochaine fois, je vous parlerai probablement d'une brochure qui vient de sortir, ou d'un texte qui vient de sortir, qui s'appelle « Le business de la déportation et de la détention, un mauvais investissement ». C'est une analyse de l'impact du fait de participer au business raciste de fermeture des frontières et de l'enfermement des migrants et des étrangers. Et comme quoi, on perd de l'argent en faisant ça. Voilà. En attendant, on va passer la main à l'émission d'après, donc bricolage pour tous. Faut pas rester là, les copains. Juste ça. Mais si, il faut rester devant votre poste. Allez, bon, bah, je te laisse enchaîner alors. Tiens, c'est parti. Bah voilà, faut tout faire ici, c'est ça hein. Ouais, c'est le bouton là.